boys and girls, this is Poppin' Rock! Poppin' Rock, Poppin' Rock, Poppin' Rock. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Poppin' Rock. Allez, on commence avec ça. Dernier coup de cœur en date de Poppin' Rock, les Français de Animal Triste, la bande à Mathieu comme on dit, sort un second album rempli de perles comme le Tell Me How Bad I Am que je vous envoie depuis quelques semaines et qui en cette rentrée va nous relancer. Alors sans attendre, voici la piste numéro 8, Afterlife, de l'album Night and the Loving Dead de Animal Triste. We'll be right back. promis, dans notre heure sans pub ce soir, on retrouvera Animal Triste, mais pour le moment, c'est au teuton de Pink Chance Blue de nous faire danser. On vient d'écouter After All, premier titre du soir des Pink Turns Blue, qui en 1987, et ouais, en 1987, écrivait ce titre. À cette époque, j'écoutais surtout du Grand Breton, et je n'ai découvert que ces dernières semaines ce groupe allemand qui aurait pu illuminer bien plus tôt mes nuits sans sommeil. Mais bonne surprise, Pink Turns Blue existe encore. La preuve, l'an passé, ils produisent Tainted, nouvel album dans lequel on trouve Not Even Trying, qu'on écoute tout de suite.

Comme c'est bon cette Bundesliga du rock entre Pink Stans Blue et Raskolnikov, même si Matt de Raskolnikov ne se voit pas dans la même division que Pink Stans Blue, perso je ne suis pas d'accord, Raskolnikov ça pulse, surtout en live, comme avec ce titre, Soul Dead Souls. Thank you. Alors, ils sont pas bons les copains d'Albert Roche? Ok, chacun ses goûts, mais n'empêche, si vous aimez la Cold Wave, ne loupez surtout pas un concert de Raskolnikov. Mais pour le moment, c'est vers les Sisters of Mercy que nous nous retournons. Ok, là je crois que je m'emballe. Enchaîner Pink, Chance Blue, Raskolnikov et les Sisters, ça me fait disjoncter. Alors, retour à une promesse du début de notre pop and rock, voici un nouveau titre des rockers français de Animal Trist. Et cette fois, voici le plus calme Machine Love. Animal Trist est dans en pop and rock sur la trail locale RVR. till my blue love shines from within. La preuve, voici un quatrième et dernier titre des rockers français, Mary Full of Grace. No time to waste, she cries, facing the mirror, says there's a fire burning. Thank you. Ok, vous l'avez compris, foncez sur Animal Triste, on estampille les potes de Mathieu, pop and rock sans sourciller. On aime ce rock énergique et intelligent. Pour nous, il n'y a plus qu'à valider sur scène. On en reparlera très vite, j'espère. Mais pour le moment, un peu de douceur avec un très vieux Bill Pritchard. You. Allez, vous êtes toujours dans Pop and Rock et voici les Black Keys. Pop and Rock, c'est tous les lundis sur RVR entre 17h et 18h au 104.6. Vous y trouverez des oldies but goldies, d'illustres inconnus, des nouveautés. Le but, c'est de vous faire écouter autre chose et si vous n'aimez pas tout du premier coup, c'est que votre cerveau n'est pas encore prêt. Mais promis, nous, on lâchera pas et on vous balancera du genre, tiens, les Beatles Band. We'll be right back. truc étrange qu'on vient d'écouter est issu du dernier album instrumental de The Beatles Band qui, d'après moi, aurait fière allure dans un Tarantino. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense à un autre instrumental que j'adore, Witches des Sad Lovers and Giants. Ce soir, je vais pas être très très original car après les 4 titres de Animal Triste, fonçons vers le 3ème des Pink Turns Blue. Les Berlinois que j'espère voir un jour en live, I Never Give Up, arrive avec Pink Turns Blue. Searching for vous écoutez Pop & Rock sur RVR régulièrement, vous savez qu'on aime les trucs décalés. Alors là, vous allez me dire, le machin qu'on écoute là, c'est les Stones avec le Gimme Shelter. Oui, mais voilà, moi j'ai une petite version légèrement plus underground chantée par les Sisters. Et on va donc se quitter avec ce titre Gimme Shelter interprété par les Sisters of Mercy. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bis à tous.